Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon. Patreon.com/papacassette. Bonjour à tous et bienvenue au 100e épisode de chez Papa Cassette. J'espère que tout le monde va bien. C'est incroyable, c'est incroyable. Là, ce qui est plate, c'est que j'avais commencé à 97 ou à 98 à faire des références à des numéros de joueurs de hockey pour mes numéros d'épisodes, mais c'est déjà fini, on est au numéro 100 et puis ça arrête à 99 au hockey. Fait que, je peux plus continuer cette joke là, c'était le fun le temps que ça a duré. Donc on est vendredi 13 mai au matin, il est 8h30 et puis là faut que je me dépêche à enregistrer parce qu'il faut que j'aille au magasin aujourd'hui. On est short staff mesdames et messieurs, donc encore une fois on a trouvé une nouvelle candidate cette semaine, d'ailleurs, qui rentre mardi prochain. Bien excité, on est tous bien excités de la voir arriver. Et puis, on manque quand même, on cherche encore une personne. Alors, si vous avez des bonnes références de gens qui veulent travailler d'un cassette, faites-moi signe. C'est vendredi 13, donc. Mon plus vieux est né un vendredi 13. Je vais prendre une petite gorgée de café, ma première. Mon plus vieux garçon qui va avoir 14 ans, le 13 juin, est né un vendredi 13. Et puis, il est né par césarienne. Et puis, même la docteur, la médecin, elle avait timé ça pour qu'il naisse à 1h13. Je me rappelle plus si c'était midi et 13 ou 1h13. Fait qu'on essaie de faire le plus de 13 possible. Alors, pour ceux pour qui les vendredis 13 seraient synonymes de terreur et d'angoisse et de mort, moi, c'est l'inverse, c'est la vie, c'est la joie. C'est une des plus fuckées journées de ma vie, d'avoir un enfant. Oh my God, j'étais fatigué. Là, je dis ça, disant, ouais, ben ta blonde aussi, t'es fatigué, tu seras. Je sais tout ça. Tu sais, j'enlève rien, ma fatigue, c'est rien comparé à ce que vous passez au travers. Mais je voulais juste mentionner que j'étais fatigué en tabarnak, puis j'avais pas de roue. Fait que je vais m'en souvenir beaucoup pour ça. Mais je m'ennuie des bébés quand même. C'était le fun, les bébés. Oui, j'en veux plus, mais tu sais, faites-en, puis je veux les catiner. C'est ça que je veux faire. Catineur de bébés! C'est ça qui va arriver. Hey, je suis étrangement en forme, fait que, et de bonne humeur. Alors tant mieux, hein? Tant mieux. Fait que oui, ça fait 100 épisodes de Papa Cassette, de mon podcast Papa Cassette qui existe. Et puis, je vais parler de ça aujourd'hui. Là. Je vais faire un genre de rétrospective. Je me suis mis des petites notes, des petits points dans le timeline, mais pas grand-chose. Là. Fait que je vais comme passer à travers mes points, puis je vais divaguer à travers de ça. Puis à la fin du show, je vais vous montrer. J'ai un gros cadeau. Mon ami Éric Théroux m'a comme déposé un cadeau. En fait, il l'a donné à Joe. Puis qui Joe m'a ramené ça au magasin. Alors, parce qu'il habite les deux proches. Fait que j'ai un cadeau ici que j'ai pris mardi. Puis là, on est vendredi. Puis man, je me retiens. J'ai pas regardé dedans. Il y a même un sang, tu sais, comme un sang. C'est assez beau, ça. Fait que là, je me suis retenu toute la semaine de fouiller là-dedans. Oh my God, my God, my God. Mais je vais le déballer à la fin du spectacle. Là. Ça va être emballant. Oh my God, je reçois un message là, présentement. Des fois, il y a du monde qui m'écrit. Anyway. Fait que oui, en fin de spectacle, on va déballer ça. Mais pas tout de suite, je me retiens. Je me suis dit, hey, je le déballe tout de suite au début du show. Finalement, non. Fait que ça va être pour moi aussi un moment fébrile. Le frais café chaud. J'ai essayé de retrouver la publication qui disait que j'allais tenter un vlog ou un podcast. Je me rappelle, j'étais à l'Arena Saint-Michel. Non, à l'Arena Étienne-Desmarteaux. Ici, dans dans Rosemont, parce que mon gars, il jouait. C'était une pratique. Ça devait être un soir de semaine. Mon gars avait une pratique et puis j'étais dans les estrades. Là, je me disais, je pourrais faire un genre de vlog, tu sais, où est-ce que je ferais... où est-ce que je parlerais de jeu. Puis de toutes les affaires que j'ai envie de parler à Rétro Nouveau, mais que j'ai pas vraiment le temps parce qu'on est une gang, tu sais, puis tout le monde peut pas parler sans arrêt, tu sais, ça finirait jamais. Fait que c'était comme un side, tu sais, juste pour me laisser aller. Fait que j'essaie de retrouver la publication. Tu sais, j'avais écrit ça sur Facebook. Hey, si je faisais ça, un vlog, est-ce que y en a parmi vous qui m'écouteraient, tu sais? Puis il y avait une belle réponse, là, vraiment. Fait que ça m'avait encouragé, tu sais. Et puis j'avais commencé ça straight de même. Mais au début, les premiers épisodes, comme j'étais habitué de faire des podcasts rétro nouveau, tu sais, puis avec des gens, je le faisais avec des gens. Donc, de l'épisode 1 à 4, j'avais des invités. J'ai eu comme sidekick Baroque Larouche du Chac à cassette, qui était mon co-host, là, si je peux dire. Là. On sait pas, on n'avait pas de temps de donner de titre. Je disais, hey Mike, ça te tente-tu là, d'être dans le podcast? Oui. Puis, on avait juste commencé ça de même. On avait eu comme invité aussi Maxime Desjardins, Dej, le sexy guitariste de Sudden Waves, un ami à nous. Et puis, qui était venu parler de NES et de cool jeux NES, là, les jeux NES qu'on aime, là, qui sont pas Super Mario, là, mais les autres, là, Shatterhand, Journey to Silius, etc. Fait que, on avait parlé de NES dans un épisode pas mal. Éric Hébert était venu aussi une ou deux fois même. Puis ça s'est arrêté là, ça s'est arrêté au quatrième épisode. À partir du cinquième épisode, j'étais seul. Là, j'ai repassé mon timeline dans Spotify. Peut-être que quelque part, il y a peut-être une autre place où est-ce qu'il y a quelqu'un. Mais c'est vraiment à partir du cinquième épisode que j'ai commencé à faire ça seul. Et puis, les quatre premiers épisodes, je me rappelle, c'était à mon ancienne maison, au métro Frontenac. Il y a des gens qui m'ont acheté des jeux parce que je fais de la vente de jeux. On peut penser que je fais de la vente de jeux depuis 2 ans, l'ouverture de Retro MTL, mais je faisais de la vente de jeux comme bien avant ça. Là. Je faisais de la vente de jeux dans Retro Nouveau. Là. J'avais mon blog qui était devenu une boutique. Fait que 2010-2011, j'en faisais de la vente de jeux. Là. J'avais ma petite maison, ma jolie petite maison dans... En centre-sud, près du métro Frontenac. Donc, si vous m'avez acheté des jeux à cette époque-là, il y a bien des chances que vous soyez venu chercher chez nous à ce moment-là. Puis des fois, si je croise du monde ou que des gens écrivent quelque chose, puis ils me disent en magasin ou sur Facebook, « Ben ouais, ce jeu-là, je te l'avais acheté chez vous, je suis allé chercher à Frontenac. » Ça fait tout le temps drôle, pareil. Je suis comme, « Hey, mais quand il y a pas mal de monde, gens qui sont venus chez nous, finalement. » Puis qui me suivent. Les gens, ils connaissent ma vie. Mais j'ai déménagé. Et puis, c'est un vendeur de drogue qui avait acheté notre maison. Hey, man. On savait pas ça. Mais vendeur, fabriqueur de drogue, là, quelqu'un dans le réseau. Là, et puis, notre maison elle s'est faite buster par la police. Puis, ça avait passé dans le journal de Gazette. Je sais pas quoi. Mais nous autres, on a vraiment fait le saut, c'est-tu? Notre maison était rendue une place pour passer du crystal meth. Nous autres, on a élevé nos enfants là-dedans, on écoutait Pokémon, man. Nos enfants, notre deuxième a appris à marcher là-dedans. Manon Leblanc a rénové notre cuisine. Ah, faut pas qu'elle apprenne ça. Fait que c'est ça. Donc, oui, donc j'enregistrais le podcast dans cette maison-là avec mes chumés. On a fait Rétro Nouveau aussi dans cette section-là de ma maison pendant un bon bout de temps. Avant, c'était tout brun. Après ça, c'est rénové puis c'est devenu un setup. J'avais fait faire un setup custom. Puis, on faisait ça là. C'était bien propre. Des beaux moments. J'aimais beaucoup cette pièce-là. J'aimais beaucoup ma télé. J'avais juste une CRT dans ce temps-là. Branché en arrière avec ma NES Top Loader puis toutes mes consoles. Plein de consoles, en fait. Il y avait tout branché. Il y avait des systèmes de tiroirs. Et puis, j'avais tout le temps un jeu NES qui roulait. Puis, c'est pour ça que je jouais beaucoup au NES dans le temps. Puis hier, vous avez vu sur ma page Facebook, j'ai fini le jeu Stinger au NES. Puis, je me rends compte que maintenant, pour aller jouer au NES au sous-sol, dans ma game room, qui est maintenant le repère de mon fils, il y a un bug avec le HDMI qui... Le multitap HDMI que j'ai, fait que là, mon fils, il le débranche tout le temps. Faut que je le rebranche. J'ouvre l'analogue NT. Tu sais, l'analogue NT, ça part moins vite que clac, un bouton power de NES. Hein. Fait que là, faut que je parte ça. J'ai mon Everdrive. Puis là, sa PS4, elle start automatiquement à chaque fois que j'ouvre la TV. Puis la TV, elle s'en va toujours sur son channel. Elle s'en va tout le temps sur son HDMI de la PS4. Automatiquement. Fait que faut que je m'en aide de là. Hostie que ça m'énerve. Je sais pas comment faire pour que la PS4. Arrête de s'allumer comme une épaisse tout le temps à chaque fois qu'on touche la TV. Ça me tue, là. Est-ce que j'aille ça? Fait que, faut que j'enlève ça, faut que je retourne mes affaires. C'est un processus, t'sais. C'est pas pareil que quand j'étais dans ma petite pièce en arrière, là, que je fais juste m'asseoir, je laisse ça sur pause, je pitche ça là, je reviens, t'sais. Fait que c'est différent. C'est pour ça que je joue moins rétro. Je m'en rends bien compte et puis ça m'attriste. Il faudra que je trouve une solution, mais pour l'instant, j'en ai pas. Mais bon, je parle vite là. Je vais prendre un respect. Fait que j'ai eu bien du plaisir à faire ces 4 épisodes-là avec mes amis. Et puis, c'est pas dit que ça arrivera jamais encore, bien sûr. Puis, ça a pas arrêté parce qu'on avait des mises en vente ou quoi que ce soit. Ça l'a arrêté parce que c'était dur à gérer. Encore une fois, question temps. C'est pour ça qu'à partir du 5e épisode, je me suis dit, je suis capable pas essayer de faire ça tout seul. Tu sais, parler tout seul pendant 20 minutes ou je sais pas quoi. Je trouvais ça... C'était intimidant, tu sais, mais je l'ai testé, puis je me suis rendu compte que j'étais assez bavard pour être capable de parler seul pendant une heure de mes affaires, fait que, ou prétentieux, hein, je sais pas, mais je suis capable, fait que j'ai décidé de continuer seul à partir de ce moment-là, parce que de nécessité, à genre, j'arrive pas à synchroniser le monde, puis on faisait ça les soirs de semaine, ou de week-end, mais aussi, tu sais, c'était une planification, c'était un projet, j'avais déjà Rétro Nouveau, et puis j'avais mes enfants étaient très petits dans ce temps-là quand même aussi, fait que, tu sais, le soir, c'était donner les bains et tout ça, tu sais, je laissais tout ça à ma blonde, fait que ça y en faisait pas mal, tu sais, à cette heure, je donne plus de bains, là, je fais plus rien, j'ai pratiquement plus besoin de m'occuper d'eux, j'ose juste les enligner, ses devoirs, puis that's it, ils font tout le reste tout seul, à part que je fais des collations pis des lunchs. Mais fait que ça, c'est le fun. La liberté, ça me permet de faire plus d'affaires, mais j'avais pas ça à ce moment-là. Fait que j'ai décidé de faire ça seul. Et puis, je suis parti ça, man. Et puis, je vais parler de plein d'affaires. j'ai pas réécouté tous mes vieux épisodes du tout. Des fois, je réécoute mes épisodes, comme là, un matin, en m'en venant ici. Mon épisode 99 a finalement popé sur Spotify. Fait que je réécoute un peu, tu sais, voir si j'ai pas dit des affaires wrong. Mais je réécoute pas tant mes épisodes non plus. Et puis, quand je le faisais seul, je le faisais très... Mes sujets étaient un peu comme présentement, tu sais. Je parlais un peu de ce que je faisais, le travail, un peu la vie. Puis j'avais beaucoup aussi des critiques de jeux, tu sais. Et puis, je montrais mes acquisitions aussi beaucoup dans mes épisodes. Chose que je ne fais plus. Mon contenu a beaucoup changé avec le temps. Au début, tu sais, c'était très axé gaming parce que je venais de Rétro Nouveau, tu sais, puis à Rétro Nouveau, on est axé critique de jeu parce qu'on est influencé de Bruno qui faisait Monsieur Net à la base, tu sais, fait que c'était comme le modèle qu'on a pris puis qu'on a continué de faire des critiques de jeu, puis c'est bien correct. Mais moi, personnellement, faire de la critique de jeu, c'est pas l'affaire qui m'emballe le plus au monde. Fait que ça a comme... J'ai continué à le faire beaucoup quand même, puis je le fais encore un peu dans mon podcast. Mais c'est pas... Il y en a tellement, tu sais. Je veux dire, si tu veux de l'information sur un jeu, il y en a. Mais je sais qu'il y a des gens qui écoutent Rétro Nouveau, par exemple, savoir comment ça connaître nos goûts, tu sais. Puis ils disent si Bruno, Papa Cassette ou Fred aiment ça, ou Jeff dans le VR, ben je vais aimer ça parce que je suis habitué à ce qu'ils aiment, puis ce qu'eux autres aiment, j'aime ça moi aussi, tu sais. Fait que ça, c'est bien pour ça. Mais la critique en tant que telle, c'est pas quelque chose qui m'allume spécialement, tu sais. Fait que quand j'en fais encore sur mon podcast, tu sais, j'essaie de faire ça assez court et léger. Je parle du jeu, mais tu sais, je veux pas breakdown tout le kit. Fait que ça l'a baissé avec le temps. Montrer mes acquisitions, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et puis en 2010, quand rien existait ou whatever, qu'il y avait juste le CCJVQ n'était... Facebook n'existait pas, me semble. Puis le CCJVQ n'était qu'un forum que je commençais à aller dessus. Il y avait Brian Lajoie qui avait son site web Québec Gamers. Est-ce que j'aimais ça, ce site web-là? Il prenait en photo ses nouveaux jeux, explications, son site web, il y avait tout le kit, il y avait des sections. Même quand il y avait un nouvel article, j'étais comme « Yeah, j'allais voir ça! » Pour moi, dans ce temps-là, québecgamers.ca, je pense, ou .com, je sais pas si ça existe encore. Allez, je m'en vais voir direct là. québecgamers.com. Man, c'est encore là, puis ça a exactement encore la même forme. Dernier article, le 27 janvier 2016 quand même. Ça, c'est bien. Y a-tu encore des images de trucs? Dernière critique. Mon blog, dernière nouvelle, récents articles. Man, moi, j'adorais ça. J'allais voir dans le blog, décembre 2013, Ah ouais, c'est dans son blog qu'il faisait des photos de ses acquisitions de jeux. Puis ça, là, moi, là, c'est venu me chercher ça à un point. Si j'aimais ça, je suis comme, c'est cette collection, tu sais, puis voir les jeux, puis tout ça, ça me parlait au bout. Et puis, c'est ce que je préférais de plus sur Québec Gamers. Puis c'est ça qui a influencé le fait que, à ce jour encore, je fais comme des publications de mes acquisitions, puis que j'en parle. C'est totalement 100% inspiré de quand j'ai découvert ça sur Québec Gamers, parce que moi, j'aimais ça, tu sais. Puis de là, un peu, c'est comme des pages d'exposition de tes affaires, tu sais. Puis le Club Vidéo Blond, le groupe Facebook, est né un peu de ça aussi, pour montrer les jeux. Puis la bière, parce que la bière est une passion que je me suis découvert un peu plus tard. Fait que c'est ça, man, show et off, tes affaires, en parler un peu. Finir des cassettes, le groupe Facebook aussi qu'on a fait, c'est un peu ça aussi. Ça, c'est né du plaisir de terminer des jeux, mais c'est aussi montrer les jeux puis en parler. Fait que, tu sais, ça vient tout de là. Fait que, à ce moment-là, pour revenir à mon podcast, je le faisais peut-être un peu moins sur Facebook parce que je me le gardais pour le faire dans mon podcast parce que j'enregistrais de chez moi. Là, j'enregistre au bureau, au QG de Retro NTL. Puis mes jeux que j'acquiers, ben en fait, je les acquiers d'ici quand même pas mal. Je pourrais bien les garder ici. Mais ils sont chez nous, mes nouveaux jeux. Fait que j'ai recommencé à le faire en photo sur Facebook, tu sais. Et puis, parce que quand ils sont rendus chez nous, là, je les nettoie comme il faut, puis je les place aux bonnes places, puis je les rentre dans mes apps, tout ça. C'est comme, je ramène le bétail, puis après ça, tu sais, j'organise tout ça, là, tu sais. Moi, l'organisation de tout ça, la collection, c'est bien trippant pour moi. J'adore faire ça. Puis vous savez, les jeux, avant de les placer dans mon présentoir ou à leur place en ordre alphabétique, dans whatever place qu'ils vont dans ma collection physique chez nous, je les mets tout le temps sur le side. Et puis, à un moment donné, je fais mon post sur Facebook. Puis une fois le post publié, là, je peux les ranger dans mes armoires. C'est très par étapes tout ça. Là. C'est de la démence, là. Je vous dis, c'est de la fucking démence. Fait que c'est ça. Puis, pour revenir à Rétro Nouveau, à mon podcast, ben c'est ça. Sinon, j'ai noté dans mon timeline ici, il s'est passé des affaires. J'ai une grosse étape de ma vie, bien sûr. Je parlais de mon ancienne maison, ça a été de vendre cette maison-là et de déménager dans Rosemont. On avait une petite maison unifamiliale qu'on aimait beaucoup. Et puis qu'on a pu revendre le double du prix, carrément. Et puis, avec le profit qu'on a fait, on a pu s'acheter un plex dans Rosemont. Et puis, ça va faire 4 ans, là, dans quelques semaines qu'on est là. 4 ans, il me semble. Ça passe vite en maudit. Mais ce qu'on voulait, puis le problème qu'il y avait avec notre ancienne maison, c'est qu'elle était un petit peu petite. T'sais, c'était correct, là. On aurait pu vivre là. Mais tu sais, avec des ados en haut, à un moment donné... on aurait entendu nos ados fourrés, là, tu sais, fait que, puis eux, pareil, fait que c'est pas grave, mais on a besoin de plus de place, mais, fait qu'on voulait partir, ou rénover, creuser le sous-sol, je sais pas quoi, fait que, mais on a décidé de partir, on voulait changer de quartier aussi, puis essayer autre chose, fait que, mais quand on allait déménager, il était absolument nécessaire, moi, je fais de la grosse pression là-dessus, pour qu'on ait un sous-sol, tu sais. Et puis, on a visité des plex qui avaient des sous-sols, mais tu sais... Puis, ben, c'est long, hein? C'est pas juste comme aller s'acheter un sac de pommes, là. C'est compliqué, là. Ce processus-là a duré de janvier à juin, tu sais. Fait que, de genre, prendre la décision de vendre ta maison, visiter, déménager, et finalement y être, ça a été un petit processus. Puis j'imagine aujourd'hui, ça va être encore plus long. Tu sais, la surenchère, et puis le faire des offres par-ci, des offres par-là, tomber en amour avec des places, avoir le cœur brisé, c'est beaucoup d'émotions. Ça nous a vidés, tu sais, puis avec les enfants, changer d'école, où est-ce qu'on va être, tu sais, puis eux autres même, aller visiter des places à toutes les fins de semaine, ils ont été écœurés de nous suivre là-dedans. Ça a été tough, pour vrai. Mais quand on a acheté, où est-ce qu'on a acheté présentement, on avait en fait une offre, puis on avait eu une offre acceptée dans le même secteur qu'on est présentement, sur un autre plex, un autre triplex, qui était absolument magnifique. Mais lors de l'inspection, on s'est rendu compte que les murs de fondation étaient en train de s'effriter. Puis, tout était à refaire, tu sais. Fait que le prix était très élevé pour ce que c'était. Ben, je veux dire, c'était clé en main à ce prix-là. C'est comme, OK, on va serrer la ceinture, Chris, mais c'est beau, puis on y va. C'est un bon investissement, mais à ce prix-là, tout était tight, tu sais. Quand on a découvert que les quatre murs de fondation étaient probablement à refaire, ben là, on parle d'un autre 100 000, 200 000, j'en ai aucune idée, tu sais, à réinvestir là-dedans. Fait que ça a cassé le deal, et on fait une contre-offre, mais tu sais, on voulait pas s'embarquer là-dedans, nous autres-là, là, tu sais. Fait que... excusez. Fait que on voulait pas s'embarquer là-dedans, bien sûr. Puis là, on a eu effectivement le cœur brisé parce que on aimait cette place-là, tu sais. Mais on a trouvé la place où on est présentement, qui manquait un peu d'amour parce que c'était une place où est-ce que le propriétaire habitait pas, puis il louait tout. Fait qu'il y a bien des affaires qui étaient laissées aller. Puis il y avait pas vraiment. Puis il y avait un sous-sol à l'autre place, bien sûr, fini, mais il était pas haut. Puis là, où est-ce qu'on on est présentement, il y avait un sous-sol pas haut, mais pas fini, tu sais. Mais il était moins cher. Il était quasiment 200 000 de moins cher. Fait que là, nous autres, on s'est dit, on pouvait se permettre à l'autre à 200 000 de plus. On va acheter celui-là, puis on va mettre ce budget-là pour faire creuser un sous-sol. On va avoir le sous-sol qu'on veut, finalement. Projet assez loufoque quand j'y repense aujourd'hui, parce que faut pas que tu penses, en fait, à ce que ça va demander des gros projets avant de les faire. Faut juste que tu les fasses. Puis une fois que tu es dedans, tu es comme tabarnak. Go, go, OK, on lâche pas, gang. Puis that's it, tu sais. C'est un peu pareil pour RetroMTL aussi, où est-ce qu'on dit, on va ouvrir une boutique, mais quand tu te mets à penser, ah, mais là, qu'est-ce qui va arriver quand, genre, il va y avoir trop de monde, j'aurai besoin d'engager des employés, il va falloir que j'y aille la fin de semaine, il va falloir que ci, il va falloir que ça. Même affaire pour le bar, tu sais, Chris, que les toilettes vont boucher le samedi à minuit, puis il n'y a personne, puis. Comment est-ce qu'on va faire? Il va falloir faire ci, ça va être d'ouvrage. Quand tu te mets à penser à ça, tu tues ton projet, tu le feras pas, tu sais. Faut que tu planifies ton affaire, surtout au niveau des coûts. Puis, ben, d'un, c'est une bonne idée. De deux, t'as-tu les moyens? Si t'as pas tant les moyens, mais tu t'organises pour les avoir, si ça marche pas, t'es-tu dans la rue ou non? Puis, c'est un projet que t'aimes, tu sais, c'est une passion. Puis, arrête de penser là, c'est tout. Saute. Parce que si tu penses, ben oui, planifie, tu sais, oui, les budgets, les planifie un peu. Mais faut pas que tu te mettes à te créer des scénarios de ce qui pourrait arriver. Parce que sinon, tu feras jamais rien, tu sais. Tu vas rester comme safe tout le temps. Puis, dans la vie, si on veut en profiter pleinement, ben, tu pourrais être safe toute votre vie si vous voulez, c'est bien parfait, là. Mais moi, c'est pas pour moi, tu sais. Moi, j'ai tout le temps mon lit de mort en tête. La mort. Roche. Je me dis, faut au moins que j'aille faire ces affaires-là pour mourir en paix et non mourir déçu. Parce que mourir déçu, c'est comme une des pires affaires qui peut arriver, je pense. Fait que je veux pas mourir déçu. Donc, on voulait faire creuser un sous-sol, puis on a acheté de la place, puis on a débloqué le budget, on a organisé ça avec la caisse, et puis on a fait creuser le sous-sol. Donc, ça a été un hostie de gros projet. Et puis, pendant que j'enregistrais mes podcasts à cette époque-là, j'enregistrais dans le salon, au rez-de-chaussée. Puis, on avait vidé le sous-sol. Fait que tout mon stock est en tas autour de moi, vraiment. C'était le bordel. On a vécu dans un bordel pendant très longtemps. Et puis, parce que là, une fois qu'il est fini, faut faire la finition aussi, là. Ton projet n'est pas fini, là, tu sais. Là, on s'est dit, on fait ça la finition tout de suite ou on laisse juste la dalle puis on redescend le stock en bas puis on fera plus tard. Là, on s'est dit, tant qu'à l'avoir, là, fuck off, débloque encore plus de budget puis on le finit puis on l'utilise puis on en jouit, mais le plus vite possible. Pour ça qu'on fait ça, tu sais. Fait que ça, d'ailleurs, la COVID a changé mon thinking un peu par rapport à ça. Tu sais, comme essayer de profiter des affaires maintenant. T'sais, oui, j'ai pas l'argent en cash de faire des rénos chez nous, quoi que ce soit, mais quand je peux débloquer de la marge hypothécaire pour, mettons, finir la cour, pour qu'on profite de la cour le plus tôt et le plus jeune qu'on est possible pendant le plus longtemps possible, faisons-le. T'sais. C'est pas mon argent, c'est mon argent, oui, mais tu sais, je veux dire, je m'appauvris pas en faisant ça, mes paiements par mois changent un peu, puis j'ai moins, tu sais, comme, c'est un investissement sur le bloc, tu sais, chaque pièce qu'on met devient un 2 piastres si on revend à un moment donné, c'est tout bon, ça. Puis là, arrête de, je veux plus me, c'est fini, ça, tu sais, comme on fait les affaires quand on a les moyens d'emprunter facilement sur notre marge, ces affaires-là, pour en jouer maintenant, tu sais, ça sera plus le temps dans 10 ans de c'est maintenant. C'est maintenant qu'on va faire des barbecues, c'est maintenant qu'on veut que les amis de la ruelle viennent dans notre cour, puis c'est maintenant que je veux être dans mon sol relax, puis que mon fils soit là, puis tu sais, c'est là, le plus tôt possible. Fait que c'est ça. Fait que, ouais, j'enregistrais de même, et puis ce projet-là a terminé à un moment donné, mais en même temps, de cette époque-là, Retro-MTL, Retro-MTL avait pas de magasin, et puis je faisais le shipping. Tout le shipping de Retro-MTL était fait dans mon sous-sol, qui était encore non entamé. Tu sais, c'était le vieux sous-sol, qui était non fini, fait que là, on avait fait tout un setup. J'avais toutes mes affaires pour faire le shipping en bas, c'était malade. Puis l'urgence d'ouvrir le magasin est surtout née du fait que les travaux allaient commencer dans mon sous-sol et il fallait le vider. Puis là, j'avais plus de place chez nous pour faire du shipping puis avoir toutes les... C'est moi qui avais tous les jeux chez nous puis toutes les affaires de shipping. Fred, de son bord, on avait toute une mécanique, hein, les trois. Fred, il avait les jeux pour commencer, il les mettait propre et puis il les mettait sur notre site web puis il en mettait aussi sur eBay. Après ça, moi, j'allais chez Fred chercher les jeux pour les amener chez nous, parce que c'est moi qui les shippais quand il y avait des commandes. Puis Joe, lui, de son bord, il avait les consoles, puis il les réparait, puis il les entretenait, puis il les mettait tête. Puis un coup qu'il était fini de réparer, ben il allait chez... Les consoles allaient chez Fred, ou il venait directement chez nous, parce qu'on faisait juste plus un sur le site, pas besoin de prendre des photos à chaque fois. Et puis j'allais chercher ça. Fait que RetroMTL était dans le sous-sol, ben pas dans le sous-sol, là, mais réparti chez les trois présents propriétaires, tu sais. Puis on a fait ça pendant un bout, puis c'est de même qu'on a grossi notre volume de vente. Et puis, quand là, il fallait sortir le stock de chez nous, puis le volume de vente était bon, on s'est dit, alright, c'est le temps, magasinons les locaux, puis essayons-le, t'sais. Fait que c'est comme ça que RetroMTL, la boutique, le magasin est né. Puis d'ailleurs, on va avoir 3 ans le 25 mai, c'est très bientôt. Le magasin va avoir 3 ans le 25 mai. Fait que à cette époque-là, ma vie était un peu fuckée aussi parce que j'avais moins de job de designer graphique, de design graphique. Ça donnait que mon gros client m'en donnait de moins en moins. Et puis, Arcade MTL roulait très bien. J'avais mes dividendes de là, puis j'avais un peu de design graphique. Et puis RDS, jeux vidéo, existait. Et puis Mario, excusez, hein, je rote. Et puis Mario m'a demandé de faire mon podcast sur RDS, jeux vidéo, comme un vlog. Fait que dans le fond, je me suis mis à faire du RDS pas mal. Je faisais mes podcasts sur RDS. Et puis quand il sortait sur RDS, comme l'entendre, c'était qu'une semaine après, je pouvais le mettre sur mon channel. Et puis, je faisais des articles aussi sur RDS. Donc, pour moi, c'était une façon, une vitrine de plus. Et puis, ça me donnait un peu d'argent, ça m'aidait parce que j'en avais pas tant dans ce temps-là. Puis, RetroMTL, là, ça roule, ça marche. Cette entreprise-là nous permet d'avoir des dividendes aussi, mais pas à l'époque, là, tu sais. À l'époque, on faisait juste comme le rouler, puis, tu sais... voir comment ça grossissait, puis utiliser notre argent pour racheter des lots, puis faire grossir la patente, tu sais. Fait que c'était assez périlleux d'une certaine façon, parce que je mettais beaucoup de mon temps personnel, puis je sacrifiais de mon temps que j'aurais pu utiliser de carrière, tu sais, pour mousser RetroMTL, pour travailler sur RetroMTL, pour faire grossir. Et puis, c'est beaucoup de choses en même temps aussi, c'est brûlant. Fait que tout ça se reflète certainement dans mes épisodes de cette époque-là, si vous les écoutez. Sûrement qu'on peut sentir ça. Mais mais juste avant de déménager dans notre Plex, là, sérieux, c'était... Ah, je faisais du RDS déjà avant de déménager. Ouais, j'ai eu un entre-deux, là, dans le fond. Parce qu'on a vendu notre maison. Il a fallu qu'on aille vivre en condo pendant un mois et quelques, parce que avant de pouvoir accéder à notre Plex qu'on avait acheté, tu sais, la date de prise de possession était plus loin. Fait que pendant qu'on était en condo, je faisais du RDS pas mal. Puis là, je me sentais vraiment comme dépourvu, là, tu sais. Je suis comme Caroline, man. J'ai presque plus de mandat de graphiste. RDS correct, mais tu sais, sinon j'ai l'arcade. Mais c'est pas, j'avais pas beaucoup d'argent dans ce temps-là. J'avais pas beaucoup de revenus. Puis RetroMTL, ben, ça prenait du temps, tu sais. C'était busy, là, tu sais. Fait que. Mais ça rapportait pas, tu sais. Je le voyais grossir, mais ça pouvait pas rapporter tout de suite, tu sais. Fait que c'était bien. C'était périlleux, pour être franc, là. C'était une époque que je me rappelle que on était allé chez notre ami Eric Hébert faire le party puis écouter la conférence de Xbox, man. Puis je jasais, puis j'étais comme tabarnak. Mes affaires sont tough, là. Je sais plus quoi faire, tu sais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que, comme je lâche une affaire pour faire plus de graphisme, en même temps, le graphisme, c'est tel que tel, ça m'emballait plus tant. Mais je voulais continuer de travailler sur mes projets, sur RetroMTL, tu sais. C'est stimulant, ça marche, mais ça paye pas, mais il va falloir, parce que je pourrais pas t'offrir ça touche éternellement. Fait que c'était périlleux. Mais c'était une époque, il fallait le vivre. Et puis, quand j'ai de la misère à réaliser tout le travail fait depuis ce temps-là, vraiment. Déjà, le magasin a 3 ans, le bar a 6 ans. Et puis, ça fait 4 ans qu'on est déménagé. Puis, le déménagement, j'en parle beaucoup, mais pour moi, ça a été comme de vendre ma maison pour racheter un plex. C'est un projet en soi, tu sais. C'est un projet dans ma vie aussi gros que... Ben, pas aussi gros, là, mais c'est un gros projet, tu sais. C'est pas rien. Et puis, le plex est aussi une certaine entreprise à sa manière. Donc, c'est un investissement, et puis c'est de l'argent, et puis c'est pas rien. C'est du tracas. Donc, si j'ai pas travaillé sur un autre projet de bière pendant ce temps-là, c'est un peu à cause de ça. Et puis, sinon, sur RDS aussi, je faisais des setups de pot. Fait que c'est fun parce que RDS payait pour du vidéo et des articles. Fait que j'essayais de faire des articles le plus possible. C'est quand même long de faire des articles, pour vrai, écrits, avec les photos et tout. Mais quand je faisais des setups de pot, je les faisais sur RDS. J'avais une rémunération pour ça. Mon podcast, comme vous le voyez là aussi. Fait que ça c'était bien. Et puis, je remercie Mario de m'avoir donné cette opportunité-là d'avoir des sous pour des projets que je faisais. Ça m'a aidé à cette époque-là. J'en avais bien besoin. Puis, c'est ça. Mais la COVID est arrivée et puis j'ai RDS m'ont slacké. Ils ont coupé à bien des places. Ils ont coupé le bon vieux papa cassette. Oh là là là là. Fait que j'ai recommencé à faire mes affaires comme d'habitude, là, sans mention RDS, sans contrainte. Pas que j'avais aucune contrainte. Mais sans être obligé d'attendre le 2 semaines. Fait que j'ai recommencé ça live. Mais pour continuer d'avoir un genre de revenu, puis parce que Rétro Nouveau avait commencé ça, j'ai ouvert un compte Patreon pour Papa Cassette, là, carrément. Et puis c'était la COVID qui a commencé. Et puis là, je pouvais plus travailler nulle part parce que j'étais en PCU à la maison à m'occuper des enfants. Ça, là, j'ai trouvé ça dur, là. Oh, j'ai trouvé ça dur. Fait que c'est ça, fallait que je reste à la maison, m'occuper des kids, puis oh my god. Fait que là, je savais pas quoi faire, tu sais, c'était la COVID, je me garochais dans ma tête partout, là, tu sais, oh man, travaille ton portfolio parce que tu vas pouvoir travailler de chez vous pendant la COVID, tu sais, à trouver des mandats de graphiste pour avoir de l'argent. Mais d'un autre côté, hostie, de ce domaine-là, d'être un graphiste ou un designer graphique ou quiconque qui travaille dans une affaire artistique, il faut qu'il showcase ce qu'il a fait, man, faire un hostie de portfolio, là, c'est l'affaire la plus dolle au monde. Hostie que j'haïsse ça. J'haïsse ça. Là, tu sors tes guenilles, hostie. Ah, ça, c'est-tu bon? Ça, c'est pas bon. Là, t'essayes de le mettre en ligne. C'est comme, ah, là, tu utilises l'interface en ligne. C'est comme un peu broken. Tu sais, c'est pas fluide. Là, c'est petit paquet de trous, man. Là, c'était le début de la COVID. Je faisais mon portfolio dans le sol avec mon café, mes enfants qui viraient en haut, qui savaient pas quoi faire de leur vie. J'étais déprimé, là, solidement, là, tu sais, c'était vraiment de la merde. Fait que j'ai... Puis, tu sais, au début de la COVID, tout le monde était comme, « Oh, faut rester actif, tu sais, faut produire, faut être productif. » Puis moi, j'étais full là-dedans, tu sais, ma tête, c'est comme, hey, « on lâche pas, là, c'ti gang, tu sais, moi, je suis tout le temps, jamais de break. » Mais là, c'est comme, « OK, là, c'est fini, là. Fuck off. Je m'en vais sur le sofa, puis je déprime, puis on verra bien ce qu'on verra. » À écouter les conférences de presse à tous les midis, qu'est-ce qui arrive, les morts. Ah, c'était tough. Mais à cette époque-là, je me suis dit, bon, ben écoute, je vais me setuper. Ne pouvant pas rien faire, bien sûr, parce que moi étant moi, j'ai setupé un peu plus mon stream sur Twitch. Je me suis mis à streamer. Fait que j'ai fait coupelle de jeu, là. Vous allez voir mon channel Twitch. Et puis, c'était propre quand même visuellement parce que j'utilisais mes consoles analogues. Fait que l'image était bonne. C'était plus des setups de pauvres que je filmais la TV avec mon téléphone. Ou est-ce que je filmais une CRT avec mon téléphone? Ce qui fait la job bien correct aussi en passant. D'ailleurs, les setups de pauvres, hein, j'ai commencé sans de même parce que moi, je voulais pas te faire de technique parce que j'haïs la technique puis c'est compliqué puis je suis pas bon là-dedans. J'ai fuck off. Je filme ma TV avec mon téléphone puis advienne que pourra. Puis le monde, ils ont comme dit, ah oui, c'est bien correct, ça, on aime ça de voir jouer. Fait que moi, ça, comme, wow, ça m'a allumé bien raide. Fait que c'est pour ça que je le fais encore des fois quand j'ai le temps. Puis c'est pour ça que je le faisais de cette façon-là. Mais là, j'avais du temps. Fait que j'ai essayé d'améliorer mes affaires, tu sais. Fait que c'était propre, c'était correct. Mais comme toute chose, j'avais de la misère à le maintenir, tu sais. Fallait que je me fasse un horaire à maison. Là, ok, je descends en bas, dérangez-moi pas. Là, je vais parler. Là, la chambre de mon gars, t'es direct à côté, au sol, à côté de la TV, tu sais. Je ferais beaucoup de choses si c'était pas que j'avais une famille. Non, mais c'est vrai. Ça fait du bruit, là, moi qui parle, tu sais, puis qui game, puis que. C'est, il faudrait que je sois dans une pièce fermée, mais la seule pièce fermée qu'on a, tu sais, je la laisse à ma blonde pour ses affaires, parce que ma blonde aussi, elle fait de la couture, du bricolage, mille affaires, puis tu sais, on a déménagé, elle voulait sa pièce, elle aussi, puis elle le mérite, là. C'est tout le temps moi qui ai eu le gros spot avec mes hosties de cassettes, fait que c'est pas elle qui dit ça, là, elle m'a jamais, tu sais, dit, là, je veux que ça sorte d'ici, ces jeux-là, mais là, je pouvais pas, là, tu sais, il faut que j'y laisse cette place-là, là, tu sais. Fait que c'est ça, son coin. Fait que j'ai pas de pièce fermée. Fait que c'est pour ça que encore à ce jour, dans mon sous-sol, tu sais, vous voyez un peu mon setup, comment c'est fait. Tu sais, ça serait nice là, j'enregistrerais devant mes cassettes, puis tout, ça serait beau. Puis je pourrais faire de quoi. Mais c'est la zone où est-ce que mon gars passe sa vie. Tu sais, fait qu'il là mettre des écrans, défaire ça. Tu sais, je trouve ça pénible. Hein. J'aurais jamais mon spot, on dirait. Tu sais. Moi, je rêve d'une pièce là, toute pluguée, là, puis avec des jeux, puis tout. Je rentre, hey, salut, je stream. Moi, j'aimerais ça qu'à chaque fois que je joue à des jeux vidéo, ça stream, tu sais. Sans que je parle tout le temps, whatever. Comme ça, tu sais, si ça vous tente de me regarder jouer, ben, c'est ça. Puis moi, en tant que joueur, je trouve ça tout le temps le fun d'avoir une audience, tu sais. Quand j'étais petit, c'était pareil. Quand mes parents me regardaient jamais jouer, mais. Mes grands-parents, des fois, me regardaient un peu jouer. Là, je suis comme, oh, regarde, là, je joue à Galaxian à l'Atari, regarde comme je suis bon. C'est le fun quand le monde te regarde, tu sais. C'est comme une performance. Fait que moi, ça me branche, ça. J'aime beaucoup ça, ce feeling-là. Fait que c'est pour ça que j'aimerais qu'à chaque fois que je game, que ça stream quelque part. Puis s'il y a du monde qui leur tente de jaser, ben, on jase, tu sais. Fait que, mais c'est dur, par contre, jaser en gaming quand tu veux performer, là. Comme hier, quand j'essayais de finir Stinger au net, j'aurais pas pu dire grand chose. J'étais vraiment focus, mais c'est correct. Fait que de tout ça, pour revenir à la COVID, j'ai ouvert mon Patreon Papa Cassette en me disant je vais travailler sur ma plateforme, tu sais. Je vais streamer, je continue mon podcast, puis j'ai tout le temps, encore à ce jour, en tête deux idées-ish de faire une radio indépendante axée jeux vidéo. Et d'avoir un site web, justement, là, à la RDS, IGN, je sais pas quoi. Ça, j'y crois peut-être un peu moins, par contre. Mais je me dis, ces projets-là vont peut-être venir à un moment donné. Puis en ayant un Patreon, si je peux ramasser une couple de sous, ben ça va me faire un petit budget, peut-être, pour acheter des gogos, tu sais, puis tout ça. Moi, je suis prêt à mettre de l'argent personnel dans des projets que je crois, bien sûr. Mais si je peux avoir... Si je peux avoir un... voyons, excusez, mon téléphone a sonné. Ma mère vient d'appeler. Si je peux avoir un peu d'argent, un peu de soutien là-dedans, ben, on dit jamais non, tu sais. Fait que là, j'avais commencé mon Patreon avec des affaires, des étapes comme ils suggèrent de le faire, puis que c'est la bonne façon de le faire. Ceux qui donnent tant, ben moi, j'offre tant, tu sais. Puis ceux qui donnent tant, donnent un peu moins. Vous avez accès à mon podcast en priorité. Vous avez ci, vous avez ça. Je me disais, en faisant ça... Est-ce que je vais être capable de suivre la patente? Je me dis, je vais essayer. Je vais offrir ça. Puis, j'ai ouvert un Discord que j'utilise peu. Il y a une couple de Patreon là-dessus qui jase, tu sais, mais... Salut les amis. Mais, tu sais, pour moi, c'est juste un autre channel de plus. Puis, c'est une autre affaire à vérifier tout le temps. Puis, c'est trop, tu sais. Fait que, j'ai changé mon Patreon pour faire comme Rétro Nouveau. 5-5-5. Vous voulez m'encourager? Voici un bassin. Lancer des sous dans le bassin, comme un mendiant sur le bord de la rue. V'là le chapeau. Moi, j'étais à côté sur le mur. Papa Cassette. Avec un chapeau en avant. Puis si tu veux m'encourager, ben, mets une pièce, un 25 cents, whatever. Fait que c'est ça. Donc, ben, ça marche, là. J'ai des petits sous, là. Je suis content. C'est pas, on s'entend, là. C'est pas de la grosse tonne d'argent. Mon projet. Tu sais, mon podcast, mettons, je regarde sur YouTube, ça ressemble, les views sur YouTube, c'est à peu près 400, mettons, en moyenne. Et puis, de ça, je sais pas si le monde me regarde. Il y en a qui me regardent vraiment, je suis comme, salut! Moi, je trouve ça un peu plate, là, j'ai rien à offrir visuellement, à part mes cernes. Mais, Mais il y en avait un peu plus avant, justement, quand je montrais mes jeux et tout. Mais là, présentement, je n'ai rien offert visuellement. Mais je me filme quand même. Je pense que c'est sympathique. S'il y en a qui veulent me voir la face et puis l'expression. Mais c'est ça. Fait que je ne sais pas s'il y a des gens qui m'écoutent sur YouTube, mais juste pour l'audio, ou qui m'écoutent vraiment. Et puis, je ne sais pas s'il y en a qui écoutent les deux, qui écoutent aussi sur Spotify et les autres plateformes. Moi, j'archive mon podcast sur Archive. Puis à partir de là, JF, il le spread partout. J'ai de la misère à mesurer exactement l'ampleur de ça. Il y en a une couple de centaines là. Fait que, grosso modo, j'évalue qu'il y a à peu près 1000 personnes qui écoutent chacun de mes épisodes de podcast. T'sais. Fait que c'est pas... excusez. Désolé de la petite confusion. Il y a eu un appel quand même très important. Donc voilà, je suis de retour. Fait que, comme je disais, mon Patreon, j'ai pas réussi à maintenir des paliers, tu sais, puis à offrir des affaires spéciales, puis tout, tu sais, c'était comme encore une fois trop d'affaires. J'ai converti ça en bassin, et puis, contribuer, si vous le voulez, puis merci beaucoup. Puis, je pourrais revenir à mon Discord, c'est ça, je l'utilise peu, mais... Là, ma vie, moi, là, tu sais, c'est compliqué, là, parce que je m'occupe à... la plus grosse partie de ma vie est d'être à Retro MTL et puis de gérer Retro MTL avec Martine et Joe, tu sais, tous les jours, tout le temps, de tous les aspects. Et puis, ça prend beaucoup de temps, tu sais, cette entreprise-là a grossi tout le temps, puis on est tout le temps occupé là-dedans. L'arcade, on a un nouveau gérant, mais tu sais, je l'ai tout le temps là, derrière la tête, je t'en préparer une petite pause, penser aux affaires qui s'en viennent, tu sais, j'ai tout le temps un peu ça aussi, bien sûr, ça c'est important. Puis, c'est moi qui m'occupais des médias sociaux, des entreprises à la base, là, tu sais, mais là... Là, il y a Arcade MTL, Retro MTL, Papa Cassette, Retro Nouveau, et chacun de ces affaires-là a un Facebook, un Twitter, un Instagram, maintenant un TikTok, bien sûr, faut être à jour, hein? Et puis un Discord, et puis, tu sais, man, je peux plus suivre, là. Moi, tu sais, ça fait longtemps que je suis sur Facebook, tout ça, puis je suis comme rendu un grand-père parce que je regarde les jeunes, puis tout le monde est sur TikTok puis Instagram seulement. Et puis c'est important de l'être et puis de le devenir. Je peux plus suivre ça, tu sais. Juste de penser à gérer genre un Discord en plus, tu sais, ça me donne du stress, tu sais. Je peux pas, là. Puis je sais, tu sais, Retro Nouveau, les messages, on répond pas. Discord, je suis rarement là. Désolé les Patreons sur Discord. Mais c'est pas parce que je me fous de vous autres. C'est juste qu'à un moment donné, j'y arrive pas. Puis je me sens très coupable de pas être capable de pas, à ce jour, mettons, maîtriser TikTok, puis faire des posts, tout ça. Puis je regarde des KLDs, tu sais, c'est nice qu'ils font. Pour Retro MTL, on préfère des affaires de même, tu sais, on a le même modèle. Puis, tu sais, il faudrait que je fasse des jokes, il faudrait que je stream, il faudrait que je sois présent, la présence, tu sais. Faut faire du contenu. Man, j'ai pas le temps, tu sais. J'ai à peine le temps. Là, vous voyez, il est 9h23. Puis là, je suis stressé. Je suis comme, calice, man. Faut que je sois au magasin à 10h, tu sais. J'ai répondu à aucun message. J'ai fait aucune évaluation. Le shipping est pas fait. Faut que je parle à Martine pour telle affaire importante. J'ai pas le temps, tu sais. Fait que va falloir que j'engage quelqu'un qui va s'en occuper un moment donné. Puis je sens que je suis vraiment rendu là. Fait que c'est pour ça que Discord, Patreon, tu sais, si vous voulez m'encourager, puis vous me donnez des sous. Sachez que c'est très, très, très apprécié. Vraiment, tu sais, une pièce, tu sais, c'est comme, wow, tu sais, il y a des gens qui prennent le temps d'aller se faire un compte Patreon pour me donner une pièce. Tu sais, c'est vraiment hot. Puis, je peux pas vous donner, tu sais, tout le contenu que je souhaiterais. Puis ça, j'ai de la misère à vivre avec moi. Ben, pas tant que ça, là. Mais, je suis déçu, tu sais, je suis comme, Colin, je voudrais offrir, tu sais, je voudrais être plus présent. Mais j'y arrive pas. Puis pour moi, la priorité présentement, c'est l'expansion de Retro MTL et puis la remise en vie d'Arcade MTL, tu sais. Puis avec notre nouveau gérant, là, je sens qu'on pogne une coche à l'arcade, tu sais. Puis les tournois vont revenir, tout ça. Puis je veux mettre du temps là-dessus. Je veux qu'on revienne. Je veux que ça soit bien fait. Je veux qu'on fasse le grand ménage sur place et dans tous les aspects de ce projet-là. On est vraiment dû. Et puis pour RetroMTL, ben c'est de la gestion d'expansion. Tu sais, c'est quoi notre next step? Tu sais, on déménage, on engage d'autres personnes pour ci, pour ça. On engage telle entreprise pour nous aider. Tu sais, on engage du monde pour nettoyer plus de cassettes, pour en mettre plus en ligne, pour en vendre plus. Tu sais, faut réfléchir à tout ça. Puis moi, mon temps, c'est sûr qu'il va aller là-dedans, tu sais. Mais c'est ça, les médias sociaux, c'est très important pour ces projets-là, mais je peux pas tout faire, tu sais, je peux pas tout faire. Puis tu sais, mon projet bière, j'en ai parlé dans mes épisodes Papa Cassette. D'ailleurs, j'ai un épisode dédié 100% à ça, où est-ce que je parle des meetings que j'ai eus avec des gens de chez Avant-Garde, puis Baldwin, et puis tout ça. Et puis, là, je me sens mal, parce que moi, habituellement, quand je veux réussir de quoi, je veux atteindre, je veux faire un projet... Je le fais, tu sais, puis c'est comme une fierté d'y arriver, mais là, j'y arrive pas. Mais c'est des bonnes nouvelles aussi, au sens que si j'y arrive pas, c'est parce que j'ai pas le temps. Si j'ai pas le temps, c'est parce que RetroMTL est devenu assez gros pour nous occuper à temps plein, fait que c'est bien correct aussi, là. Mais j'aimerais vraiment ça, avoir mon projet bière d'une façon ou d'une autre, là. Faut que j'y arrive, mais ça continue d'être sur le back burner. Puis je me rends compte que moi, ce que j'aime dans la vie... C'est ça, tu sais, c'est. Je suis vraiment un entrepreneur, je pense. J'ai cette fibre-là, puis ça me branche, puis moi, c'est ça qui m'allume, puis c'est une de mes forces, puis une de mes grandes faiblesses, c'est que j'ai pas. Ça, c'est autre chose, hein, je me suis rendu compte. Quand j'étais jeune, aussi longtemps que je puisse me souvenir, du primaire au secondaire, j'ai de la misère avec la résolution de problèmes. J'ai déjà parlé de ça aussi dans mes podcasts. La résolution de problèmes dans le, t'sais, en maths, t'as l'algèbre, t'as compté, divisé, t'as la géométrie, tout ça allait correct. T'sais. L'algèbre, j'adorais ça d'ailleurs. Mais la résolution de problèmes, Jaco lance un 25 cents d'une tour de 12 étages qui fait 200 mètres. La vitesse de la Seine fait ça avec ça, mais il y a aussi un vent qui fait... Là, moi, man, ça, là, j'y arrive pas, tu sais. Puis, il y a des gens qui sont capables de lire un livret d'instructions au complet, puis d'apprendre une chose. Moi, je suis pas capable de faire ça. Moi, après un paragraphe, faut que je recommence, tu sais, puis je manque de focus. Puis tout le monde, tu sais, c'est très à la mode de dire « Ah, oh, j'ai un TDAH, TDAH, TDDDDD. » Peut-être j'ai ça aussi, je sais pas, mais je doute que j'ai besoin d'être médicamenté parce que j'ai 42 ans et tout fonctionne très bien. Cependant, je regarde Martine aller, là, elle lit tout, t'sais. Elle a tout lu Shopify, elle lit tout, c'est comme tabarnak, comment est-ce qu'elle fait ça, t'sais? Puis moi, j'ai besoin de ça. C'est ça que j'ai besoin dans mes projets, t'sais. J'ai besoin de quelqu'un qui est capable de couvrir cet aspect-là parce que moi, ma tête, elle se déplogue tout de suite, t'sais, quand il y a beaucoup de texte, puis d'analyse, puis de compréhension. De texte, tu sais. Ça n'a rien à voir avec le français, la compréhension d'un texte. Je peux lire un texte et comprendre. Je comprends les gens très bien. Mais comme apprendre quelque chose en lisant un texte, genre, puis l'analyse, tu sais, de données, genre, puis de. Ok, tu sais, comme on a essayé de vendre sur Amazon, man, je veux même pas, là, j'arriverai pas à rien comprendre de tout ce qui se dit là-dedans. C'est bien trop d'informations, tu sais, mon cerveau, il bug, là. Je serais jamais capable de faire ça. Puis c'est pour ça que, pour RetroMTL, à la base, c'est Fred aussi qui a tout setupé la patente, parce qu'il a cette force-là. Puis moi, je l'ai pas, tu sais, je suis pas capable, là. Faut qu'on ait un site web, mais je serais pas capable de le faire. Alors, y a-tu quelqu'un qui peut le faire? c'est un peu ça. Fait que, pourquoi je disais ça, là? Je m'en rappelle plus. En tout cas, je parlais de projet, puis c'est comme ça que ça marche, mes projets. Fait que j'ai besoin d'aide là, à ce niveau-là. C'est pas une force que j'ai, puis je me rends compte avec le temps, puis je pense que les gens qui ont ce skill-là en plus, d'avoir plein d'autres skills, peuvent aller très loin dans la vie et être millionnaires. Mais je le rappelle, puis on l'a dit à Rétro Nouveau aujourd'hui, il y a trois aspects dans la vie, tout le temps, dans la réalisation des projets, divisés sur trois âges. Il y a trois aspects. Le temps, l'argent, l'énergie. Quand tu es jeune, tu as du temps, tu as de l'énergie, mais tu n'as pas d'argent. Quand tu es rendu à moitié de ton âge, comme nous autres, ben comme 30-40, tu as de l'énergie, tu as de l'argent, mais tu n'as pas de temps. Puis quand tu es vieux, tu as du temps, tu as de l'argent, mais tu n'as plus d'énergie. Fait qu'il faut briser, faut que tu inventes, faut que tu brises ce pattern-là pour créer quelque chose quelque part. Et puis, moi, ça a vraiment résonné, cette affaire-là, à moi, puis je pense que c'est totalement vrai. Fait que si j'ai réussi à avoir des projets personnels, c'est parce que j'ai inventé du temps là où je n'avais pas, puis j'ai coupé dans d'autres places. Puis c'est aussi parce que le travailleur autonome, hein, ça m'a donné une grande flexibilité, ça. Et puis, ça m'a permis de travailler sur d'autres affaires en même temps que le travail, tu sais. Là, maintenant, vous êtes en télétravail, les gens. Fait que il n'y a pas quelqu'un qui vous regarde travailler tout le temps, voir si vous travaillez. Donc, vous êtes capable de faire votre journée complète et bien en 5h et demie, 6h. Ça vous laisse une heure de plus par jour pour penser à votre projet de... Vous vouliez créer un jeu de société, vous avez, hein, tu sais, c'est comme tu peux, t'as plus de temps pour y penser. Hein. Moi c'est ça, c'est d'être devenu travailleur autonome, ça m'a ouvert toutes les portes de genre gérer mon temps et puis de travailler sur des sidelines. Fait que voilà. C'est un peu ça. En fait, je parlais de ma vie beaucoup à travers. C'est parce que mon podcast parle de ma vie, tu sais, c'est ça que c'est devenu mon podcast en fait. C'est vraiment devenu. C'est à peine si je parle de jeux vidéo des fois. Et puis je parle beaucoup de mes entreprises, qu'est-ce que je vis, puis tout ça. Puis personnellement, je pense que c'est intéressant parce qu'il y a déjà en masse d'affaires de jeux vidéo, tu sais. Puis moi, les podcasts que j'écoute, j'écoute beaucoup par rapport. Moi, j'aime ça, tu sais, les témoignages. Tu sais, encore une fois, j'écoutais dernièrement Jer Allen avec Cathy Gauthier. Et puis Cathy Gauthier a vécu beaucoup de choses dans sa carrière d'humoriste et je trouve ça absolument fascinant. J'écoutais aussi le IPA podcast et puis que j'ai découvert dernièrement. Et puis podcast de bière, bien sûr. Puis moi, j'écoute pour les gens, pour l'aspect entrepreneur de la chose. T'sais. Vous connaissez les dépanneurs Tite Frette. Ça, c'est big, là. C'est allé au Dragon, ça n'a pas été retenu, mais tu sais, c'est big. Et puis, je pense que c'est un peu une risée là, au monde pour les beer geeks, là, ce dépanneur-là. Mais faites attention, le gars en arrière de ça, il est Bright Honesty. Et puis, il raconte tout, tu sais, il y a des franchises là, partout. Là. Le gars, il a bâti, man, de quoi d'incroyable. Là. C'est super intéressant. Moi, j'adore ça. Melon dans la nouvelle micro dans Villeray. Comment est-ce qu'ils ont fait ça, Mutoïd, tu sais, que j'aime beaucoup. Moi, j'aime ça. Moi, je veux savoir, tu sais, comment t'as fait? Comment t'as fait, Esti? Les 10 ans de l'espace public, c'est fascinant, ça. Chris, les gars, ils ont parti à un pub. Oh, on fait un pub, fuck off. Puis là, ils ont une usine, ils brassent leur affaire, puis tout ça. Il y en a des étapes du développement, là, tu sais, des grosses décisions, des investissements de centaines de milliers de dollars. T'es trouvé où tes 100 millions de dollars, tu sais, pour faire ça? Moi, je veux. Tout ça m'intéresse au plus haut point. Puis je veux de l'humain, tu sais, comme on était stressé, on s'est lancé, on a réussi, on a échoué cette partie-là, on fait ci, on laisse tomber ça. J'avais une famille pendant ce temps-là, Moi, j'aime les témoignages, j'aime les historiques, et puis c'est ça. Puis quand je jase avec du monde, moi, je suis totalement un livre ouvert, en fait. Puis des fois, c'est peut-être quelque chose qui est pas nécessairement bon dans mon podcast vlog. Des fois, je blesse des gens, je m'en rends compte, ou je parle trop. Et puis, c'est pour ça que je fais de plus en plus attention à ce que je peux dire. Mais, tu sais, je veux pas blesser personne. Mais il y a des gens qui sont blessés. Il y a des gens qui interprètent mal ce que je dis ou qui comprennent pas la réalité. Ils saisissent pas la réalité dans laquelle je dis certaines choses, tu sais. Ça fait bien du sens. Fait qu'en, en tout cas, c'est un peu weird, tu sais. Mais bon, ça, c'est quand t'es public, tu dis des affaires, ben c'est ça qui arrive, c'est tout. Puis au final, je le fais pour moi aussi, là, tu sais. Et puis j'aime bien ça, puis je pense que la plupart du monde comprenne bien qui que je suis, puis qu'est-ce que je dis, puis qu'est-ce que je fais. Mais bref, moi, quand je parle avec des gens, c'est ça qui m'intéresse, tu sais. T'es malheureux, hein? Ouais, pourquoi, tu sais? Moi aussi, je suis malheureux en passant des fois, tu sais. Parlons-en, t'es comme, ah ouais, ça va bien, tes affaires, t'es heureux. Ah ouais, Chris, comment t'as fait, tu sais? Je veux savoir, tu sais. T'es comme, tu fais ce projet-là, ouais, c'est fascinant. Même si c'est pas mon domaine, je m'en calisse, mais tu sais, je veux... Ah ouais, t'as découvert ça. Tu sais, il y a un père d'un enfant ami de mon plus jeune à l'école, tu sais, qui est astrophysicien, là, je sais pas quoi, il a découvert une étoile, tu sais, je suis comme, man, parle-moi de ça, s'il te plaît, tu sais, puis là, ils ont trouvé un twist, man, puis maintenant, une technique qu'il a utilisée pour découvrir une étoile, c'est comme la technique utilisée par d'autres, je suis comme, oh, man, c'est donc bien fascinant, moi, je veux tout, puis tu sais, je veux tout savoir, tu sais, comment ça coûte, qu'est-ce que t'as vécu, puis tu sais, puis il faut parler de ces affaires-là, je pense que c'est ça qui va rapprocher les gens, tu sais, au final, il y a un article de Patrick Lagacé ce matin, le monde va pas bien, le monde est pas bien, puis je pense que c'est vrai, il y a la COVID, oui, comme il dit, mais man, il y a de quoi en dessous. Tu sais, les gens sont malheureux, puis sont stressés, puis sont à fleur de peau, tu sais. Puis je pense que si on se parle un peu plus, puis qu'on est chill tout le monde ensemble, tu sais, ça va mieux aller, tu sais. Puis moi, j'ai comme augmenté mon niveau de chillitude un peu avec la COVID, je m'en fais moins. Vu qu'il a fallu qu'on ferme les commerces, puis tu sais, les employés partent, ils reviennent, tout ça. Il y a bien des affaires qui m'auraient comme stressé au plus haut point avant la COVID, mais que suite à la COVID, je suis comme, ben, advienne que pourra, juste une vie à vivre, tu sais. Fait que je laisse aller un peu mentalement. Fait que c'est ça. Mais on a tous des démons à gérer, puis mon podcast sert à parler beaucoup de ce que je vis. Et puis, je pense que le fait que je parle beaucoup de ça, ça rejoint des gens, puis ça peut intéresser des gens outre les jeux vidéo, tu sais. Puis j'ai comme l'impression que de plus en plus, les gens écoutent pour ça, fait que c'est bien. Mais je voudrais tout le temps avoir un fond de jeux vidéo, bien sûr, ça c'est bien certain, mais j'aime parler de la vie et des choses, là, tu sais. Puis j'aimerais aussi, bien sûr, je le dis souvent, avoir des invités. C'est sûr que je vais faire un épisode avec Martine, c'est facile, elle est dans le même bureau, là, tu sais. Je pensais le faire pour le centième, mais de l'autre côté, ça avait plus ou moins rapport, tu sais, qu'on vienne parler avec Martine de elle, de quoi, tu sais, pour mon centième. Tu sais, pour mon centième, je voulais un peu parler de moi, puis de tout ça. Et puis, Martine sera là bientôt, de toute façon. Fait que c'est ça, le Papa Mac Cassette podcast. Fait que là, il faut que je me dépêche un peu. C'est l'heure d'ouvrir le cadeau, mesdames et messieurs. Alors, mon ami Eric Théroux m'a fait un beau paquet. Là, il y a une petite carte. Je ne sais pas si j'ai le droit de la lire. Je vais la lire, non? Ah, ben, je vais la lire. Hein? C'est très gentil. C'est court et puis il n'y a rien de personnel. Ben, c'est personnel, mais il n'y a rien de... Je peux tout vous lire ça. Bravo pour tes 100 épisodes. C'est un plaisir de t'écouter, mon ami. J'espère avoir la chance de t'entendre philosopher pour 100 autres. Hourra pour Papa Cassette, signé Eric. C'est vraiment touchant. Sérieux, Eric, je m'attendais. J'ai un cadeau, tu sais. Moi, je capote. Bon, là, ça va faire du bruit parce que j'enlève le papier. Oh! Ça. Hey! Ah, oh, c'est un Joe Louis avec une chandelle. Colin, si j'avais ouvert avant, j'aurais pu l'allumer. Mais, je vais manger ça pour dîner. Ça va être mon dessert à midi avec une chandelle. C'est très apprécié, ça. C'était vraiment une bonne idée. C'est très drôle. Alors, j'ai mon petit bouquet de sang ici, festif. Un petit bouquet festif que je vais laisser sur mon bureau célébrer. Quoi d'autre qu'il y a ici? Oh, la grosse bière de l'Albatros Brasserie Artisanale. Faccia di Schiaffi, bière forte double IPA. Je ne connais pas cette brasserie. L'Albatros Brasserie Artisanale, chemin Sainte-Marie à Mascouche. Donc, j'imagine que c'est un cool spot à Mascouche, ça. Eric doit aller peinter de temps en temps. Donc, une double IPA ici. J'ai hâte d'essayer ça. Les doubles IPA, bien sûr, sont. J'aime beaucoup ça. Ah, il y a d'autres choses. Il y a une autre bière de l'Albatros. C'est une blonde à Mike. Donc, c'est la bière de la blonde à Mike. C'est ça le nom. C'est une bière blonde désaltérante qui est écrite sur la canne, 5,2%. Toujours brassé à Mascouche, bien sûr. Alors, c'est la bière de la blonde à Mike. J'imagine que la blonde à Mike est le brasseur là-bas, puis il voulait faire une bière accessible pour sa blonde qui aime peut-être pas l'amertume. C'est comme ma blonde à moi. Donc, voilà. Hey, c'est merveilleux ça, Eric. Merci beaucoup. Deux belles bières comme ça. Un beau Joe Louis avec une chandelle que je vais allumer pour dessert. Et puis, un petit bouquet de sang, là, t'sais, c'est pas beau ça, puis une petite carte. C'est vraiment une très belle pensée, pour vrai. C'est vraiment très apprécié. Je vais boire ça à ta santé. Ça va me faire plaisir. Ou si on se voit dans un parc d'Hochelaga, puis que je les ai pas bu encore, ben écoute, on partagera ça. Ça va me faire grandement plaisir. Donc, à tout le monde qui écoute mon podcast, vraiment, merci. Merci énormément. Tu sais, moi, je fais ça... Depuis des années, apparemment, je suis déjà rendu à 100 épisodes, puis je m'en rends même pas compte, là, t'sais. Fait que j'essaie d'être à toutes les semaines, mais c'est pas toujours possible, mais je trouve que j'ai un bon ratio quand même pour avoir fait 100 épisodes aussi rapidement. C'est juste que j'ai pas toujours de quoi à dire parce que je suis tout seul. Mais ça va évoluer. On verra bien. Mais pour l'instant, ben on continue. Puis comme je vous dis, merci d'écouter ça. Ça me fait toujours bizarre de savoir qu'il y a du monde qui m'écoute, tu sais. Puis quand je publie que mon podcast, il est prêt, tu sais, le monde, il like ou il met des cœurs, je suis comme, ah, tu sais, c'est le fun, le monde, ils ont hâte de m'écouter. Puis des fois, il y a du monde qui me dit, ouais, j'ai entendu ça à ton podcast. Je suis comme, Chris, t'écoutes mon podcast, toi, d'un coup, t'es un peu gêné, tu sais. Je suis comme, ah, qu'est-ce que j'ai dit? Non, tout le monde sait ce que je dis. Mais c'est ça qui arrive. C'est ça un podcast, hein, n'est-ce pas? Fait que, puis bien sûr, merci à mes Patreons de m'encourager. C'est vraiment très gentil de votre part de donner, de mettre du cash dans le chapeau. Cet argent-là dort dans mon PayPal et puis va servir à acheter des affaires en rapport avec le show, bien sûr. J'ai toujours des 1000 projets en tête et puis on verra bien ce que la vie réserve. Mais pour l'instant, ben tout va bien. Puis écoutez, réécoutez mon backlog, vous allez voir ce que j'ai vécu au cours des dernières années. Et puis si ça peut vous inspirer ou vous divertir, ben ça va me faire plaisir. Donc, à 100 autres épisodes, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous adore. Et puis, ben, on se reparle au 100. On se revoit au 101e épisode.